Chapitre 15. Quand elle se réveilla, une lueur blanchissait les vitres, mais si pâle qu'elle n'éclairait pas la chambre. Au dehors, des coqs chantaient. Par l'ouverture du papier pénétrait un air froid. C'était le jour qui pointait. Malgré ce léger souffle qui venait du dehors, la mauvaise odeur de la chambrée n'avait pas disparu. S'il était entré un peu d'air pur, l'air vicié n'était pas du tout sorti, et en s'accumulant, en s'épaississant, en s'échauffant, il avait produit une moiteur asphyxiante. Cependant, tout le monde dormait d'un sommeil sans mouvement que coupaient seulement de temps en temps quelques plaintes étouffées. Comme elle essayait d'agrandir l'ouverture du papier, elle donna maladroitement un coup de coude contre une vitre assez fort pour que la fenêtre, mal ajustée dans son cadre, résonnât avec des vibrations qui se prolongèrent. Non seulement personne ne s'éveilla comme elle le craignait, mais encore il ne parut pas que ce bruit insolite eût troublé une seule des dormeuses. Alors son parti fut pris. Tout doucement, elle décrocha ses vêtements, les passa lentement sans bruit, et prenant ses souliers à la main, les pieds nus, elle se dirigea vers la porte dont l'aube lui indiquait la direction. Fermée simplement par une clenche, cette porte s'ouvrit silencieusement, et Perrine se trouva sur le palier, sans que personne se fût aperçu de sa sortie. Alors elle s'assit sur la première marche de l'escalier et s'étant chaussée, descendit. Ah, le bon air! La délicieuse fraîcheur! Jamais elle n'avait respiré avec pareille béatitude. Et par la petite cour, elle allait, la bouche ouverte, les narines palpitantes, battant des bras, secouant la tête. Le bruit de ses pas éveilla un chien du voisinage qui se mit à aboyer, et aussitôt d'autres chiens lui répondirent, furieux. Mais que lui importait? Elle n'était plus la vagabonde contre laquelle des chiens avaient toutes les libertés. Et puisqu'il lui plaisait de quitter son lit, elle en avait bien le droit, sans doute. Un droit payé de son argent. Comme la cour était trop petite pour son besoin de mouvement, elle sortit dans la rue par la barrière ouverte et se mit à marcher au hasard, droit devant elle, sans se demander où elle allait. L'ombre de la nuit emplissait encore le chemin, mais au-dessus de sa tête, elle voyait l'aube blanchir déjà la cime des arbres et le faîte des maisons. Dans quelques instants, il ferait jour. À ce moment, une sonnerie éclata au milieu du profond silence. C'était l'horloge de l'usine qui, en frappant trois coups, lui disait qu'elle avait encore 3 heures avant l'entrée aux ateliers. Qu'allait-elle faire de ce temps? Ne voulant pas se fatiguer avant de se mettre au travail, elle ne pouvait pas marcher jusqu'à ce moment. Et dès lors, le mieux était qu'elle s'assît quelque part où elle pourrait attendre. De minute en minute, le ciel s'était éclairci, et les choses autour d'elle avaient pris, sous la lumière rasante qui les frappait, des formes assez distinctes pour qu'elle reconnût où elle était. Précisément, au bord d'une entaille qui commençait là et paraissait prolonger sa nappe d'eau pour la réunir à d'autres étangs et se continuer ainsi d'entaille en entaille, les unes grandes, les autres petites, au hasard de l'exploitation de la tourbe jusqu'à la grande rivière. N'était-ce pas quelque chose comme ce qu'elle avait vu en quittant Piquigny, mais plus retiré, semblait-il, plus désert et aussi plus couvert d'arbres, dont les fils s'enchevêtraient en lignes confuses. Elle resta là un moment, puis la place ne lui paraissant pas bonne pour s'asseoir, elle continua son chemin qui, quittant le bord de l'entaille, s'élevait sur la pente de petits coteaux boisés. Dans ce taillis, sans doute, elle trouverait ce qu'elle cherchait. Mais comme elle allait y arriver, elle aperçut au bord de l'entaille qu'elle dominait une de ces huttes en branchages et en roseaux qu'on appelle dans le pays des aumuches, et qui servent l'hiver pour la chasse aux oiseaux de passage. Alors l'idée lui vint que si elle pouvait gagner cette hutte, elle s'y trouverait bien cachée, sans que personne pût se demander ce qu'elle faisait dans les prairies à cette heure matinale, et aussi sans continuer à recevoir les grosses gouttes de rosée qui ruisselaient des branches formant couvert au-dessus du chemin et la mouillaient comme une vraie pluie. Elle redescendit, et en cherchant, elle finit par trouver dans une oseraie un petit sentier à peine tracé qui semblait conduire à l'aumuche. Elle le prit. Mais, s'il y conduisait bien, il ne conduisait pas jusque dedans, car elle était construite sur un tout petit îlot, planté de 3 saules qui lui servaient de charpente, et un fossé plein d'eau la séparait de l'oseraie. Heureusement, un tronc d'arbre était jeté sur ce fossé, bien qu'il fût assez étroit. Et bien qu'il fût aussi mouillé par la rosée qui le rendait glissant, cela n'était pas pour arrêter Perrine. Elle le franchit et se trouva devant une porte en roseau, liée avec de l'osier, qu'elle n'eut qu'à tirer pour qu'elle s'ouvrît. L'aumuche était de forme carrée et toute tapissée jusqu'au toit d'un épais revêtement de roseaux et de grandes herbes. aux quatre faces étaient percées des petites ouvertures invisibles du dehors, mais qui donnaient des vues sur les entours et laissaient aussi pénétrer la lumière. Sur le sol était étendue une épaisse couche de fougère. Dans un coin, un billot fait d'un tronc d'arbre servait de chaise. Ah, le joli nid ! Qu'il ressemblait peu à la chambre qu'elle venait de quitter. Comme elle eût été mieux là pour dormir, en bon air, tranquille, couchée dans la fougère, sans autre bruit que ceux du feuillage et des eaux, plutôt qu'entre les draps si durs de Madame Françoise, au milieu des cris de la Noyelle et de ses camarades, dans cette atmosphère horrible dont l'odeur toujours persistante la poursuivait en lui soulevant le cœur. Elle s'allongea sur la fougère et se tassa dans un coin contre la moelleuse paroi des roseaux en fermant les yeux. Mais comme elle ne tarda pas à se sentir gagnée par un doux engourdissement, elle se remit sur ses jambes car il ne lui était pas permis de s'endormir tout à fait, de peur de ne pas s'éveiller avant l'entrée aux ateliers. Maintenant le soleil était levé et par l'ouverture exposée à l'orient, un rayon d'or entrait dans l'aumuche qui l'illuminait. Au dehors, les oiseaux chantaient, et autour de l'îlot, sur l'étang, dans les roseaux, sur les branches des saules, se faisait entendre une confusion de bruits, de murmures, de sifflements, de cris qui annonçaient l'éveil à la vie de toutes les bêtes de la tourbière. Elle mit la tête à une ouverture et vit ses bêtes s'ébattre autour de l'aumuche en pleine sécurité. Dans les roseaux, des libellules voletaient de ça et de là. Le long des rives, des oiseaux piquaient de leur bec la terre humide pour saisir des vers, et sur l'étang couvert d'une buée légère, une sarcelle d'un brun cendré, plus mignonne que les cannes domestiques, nageait entourée de ses petits qu'elle tâchait de maintenir près d'elle par des appels incessants, mais sans y parvenir, car il s'échappait pour s'élancer à travers les nénuphars fleuris, où il s'empêtrait à la poursuite de tous les insectes qui passaient à leur portée. Tout à coup, un rayon bleu rapide comme un éclair l'éblouit, et ce fut seulement après qu'il eut disparu qu'elle comprit que c'était un martin pêcheur qui venait de traverser l'étang. Longtemps, sans un mouvement qui, en trahissant sa présence, aurait fait envoler tout ce monde de la prairie, elle resta à sa fenêtre à le regarder. Comme tout cela était joli dans cette fraîche lumière, gai, vivant, amusant, nouveau à ses yeux, assez féerique pour qu'elle se demandât si cette île avec sa hutte n'était point une petite arche de Noé. À un certain moment, elle vit l'étang se couvrir d'une ombre noire qui passait, capricieusement, agrandie, rapetissée sans cause apparente, et cela lui parut d'autant plus inexplicable que le soleil qui s'était élevé au-dessus de l'horizon continuait de briller radieux dans le ciel sans nuages. D'où pouvait venir cette ombre ? Les étroites fenêtres de l'aumuche ne lui permettant pas de s'en rendre compte, elle ouvrit la porte et vit qu'elle était produite par des tourbillons de fumée qui passaient avec la brise et venaient des hautes cheminées de l'usine, où déjà des feux étaient allumés pour que la vapeur fût en pression à l'entrée des ouvriers. Le travail allait donc bientôt commencer, et il était temps qu'elle quittât l'aumuche pour se rapprocher des ateliers. Cependant, avant de sortir, elle ramassa un journal posé sur le billot qu'elle n'avait pas aperçu, mais que la pleine lumière qui sortait par la porte ouverte lui montra, et machinalement elle jeta les yeux sur son titre. C'était le journal d'Amiens du 25 février précédent. Et alors elle fit cette réflexion que de la place qu'occupait ce journal sur le seul siège où l'on pouvait s'asseoir, aussi bien que de sa date, il résultait la preuve que depuis le 25 février, l'aumuche était abandonnée et que personne n'avait passé sa porte.